La Cité de Dieu de Saint-Augustin, tome 1er, édition Charpentier 1855, traduction et notes par Monsieur Émile, Edmond, Cesset. Livre 1er, Les Goths à Rome. Argument, Saint-Augustin combat cette erreur des païens qui attribuaient les malheurs du monde, et surtout la prise récente de Rome par les Goths à la religion chrétienne, et à l'interdiction du culte des dieux. Il fait voir que les biens et les maux de la vie ont été de tout temps communs aux bons et aux méchants. Enfin il châtie l'impudence de ceux qui ne rougissaient pas, de triompher contre le christianisme du viol, que des femmes chrétiennes avaient eu à subir. Markendanarchive.org, 2019, d'après abbaye saint-benoît.ch. Licence Creative Commons. Pas d'usage commercial, partage à l'identique. En écrivant cet ouvrage dont vous m'avez suggéré la première pensée, Marcellinus, mon très cher fils, et que je vous ai promis d'exécuter, je viens défendre la Cité de Dieu contre ceux qui préfèrent à son fondateur leur fausse divinité. Je viens montrer cette cité toujours glorieuse, soit qu'on la considère dans son pèlerinage à travers le temps, vivant de foi au milieu des incrédules, Habacuc 2, 4, soit qu'on la contemple dans la stabilité du séjour éternel, qu'elle attend présentement avec patience, Romains 8, 25, jusqu'à ce que la patience se change en force au jour de la victoire suprême et de la parfaite paix. Psaume 93, 15. Cette entreprise est, à la vérité, grande et difficile, mais Dieu est notre appui. Psaume 61, 9. Aussi bien de quelle force n'aurais-je pas besoin pour persuader aux superbes que l'humilité possède une vertu supérieure qui nous élève, non par une insolence toute humaine, mais par une grâce divine. Au-dessus des grandeurs terrestres toujours mobiles et chancelantes, c'est le sens de ces paroles de l'Écriture, où le roi est le fondateur de la cité que nous célébrons, découvrant aux hommes sa loi, déclare que Dieu résiste aux superbes et donne sa grâce aux humbles. Jacques 4, 6, 1, Pierre 5, 5. Cette conduite toute divine, l'orgueil humain prétend l'imiter, et il aime à s'entendre donner cet éloge. Tu sais pardonner aux humbles et dompter les superbes. Énéide, livre 6, 854. C'est pourquoi nous aurons plus d'une fois à parler dans cet ouvrage, autant que notre plan le comportera, de cette cité terrestre dévorée du désir de dominer qui est elle-même esclave de sa convoitise. Tandis qu'elle croit être la maîtresse des nations. Note. Marcellinus était un personnage considérable à la cour de l'empereur Honorius. Il fut envoyé en Afrique en 411, pour connaître de l'affaire des donatistes, qui parvinrent par leurs intrigues, à le faire condamner au dernier supplice. L'Église le compte parmi ses saints et ses martyrs. Voyez sur Marcellinus, Saint Marcellin, les lettres de Saint Augustin, notamment la 136e, numéro 3. Chapitre 1er. Beaucoup d'adversaires du Christ épargnés par les barbares, à la prise de Rome, par respect pour le Christ. C'est contre cet esprit d'orgueil que j'entreprends de défendre la cité de Dieu. Parmi ses ennemis, plusieurs, il est vrai, abandonnant leur erreur impie, deviennent ses citoyens, mais un grand nombre sont enflammés contre elle d'une si grande haine et poussent si loin l'ingratitude pour les bienfaits signalés de son Rédempteur, qu'ils ne se souviennent plus qu'il leur serait impossible de se servir pour l'attaquer de leur langue sacrilège. S'ils n'avaient trouvé dans les saints lieux un asile pour échapper aux fers ennemis et sauver une vie dont ils ont la folie de s'enorgueillir. Allusion à la prise récente de Rome par Alaric en 410 après Jésus-Christ. Ne sont-ce pas ces mêmes Romains, que les barbares ont épargnés par respect pour le Christ, qui sont aujourd'hui les adversaires déclarés du nom du Christ? J'en puis attester les sépulcres des martyrs et les basiliques des apôtres qui, dans cet horrible désastre de Rome, ont également ouvert leurs portes aux enfants de l'Église et aux païens. C'est là que venait expirer la fureur des meurtriers. C'est là que les victimes qu'ils voulaient sauver étaient conduites pour être à couvert de la violence d'ennemis plus féroces, qui n'étaient pas touchés de la même compassion. Note. Nous savons, par une lettre de Saint Jérôme, à Principiam, 154, qu'une dame romaine, Marcella et sa fille, Principia, trouvèrent un sûr asile dans la basilique de Saint-Paul. Fin de la note. En effet, lorsque ces furieux, qui partout ailleurs s'étaient montrés impitoyables, arrivaient à ces lieux sacrés, où ce qui leur était permis autre part par le droit de la guerre leur avait été défendu, par Alaric, voyez aux roses, Histoire contre les païens livre 7 chapitre 39, l'on voyait se ralentir cette ardeur brutale de répandre le sang et ce désir avare de faire des prisonniers. Et c'est ainsi que plusieurs ont échappé à la mort, qui maintenant se font les détracteurs de la religion chrétienne, imputant au Christ les maux que Rome a souffert, et n'attribuant qu'à leur bonne fortune la conservation de leur vie, dont ils sont pourtant redevables au respect des barbares pour le Christ. Ne devraient-ils pas plutôt, s'ils étaient un peu raisonnables, attribuer les maux qu'ils ont éprouvés à cette providence divine qui a coutume de châtier les méchants pour les amender, et qui se plaît même quelquefois à exercer par ses sorts d'affliction la patience des gens de bien, afin qu'étant éprouvés et purifiés, elle les fasse passer à une meilleure vie, ou les laisse encore sur la terre pour l'accomplissement de ses fins? Ne devrait-il pas reconnaître comme un des fruits du christianisme cette modération inouïe des barbares, d'ailleurs cruels et sanguinaires, qui les ont épargnés contre la loi de la guerre en considération du Christ, soit dans les lieux profanes, soit dans les lieux consacrés, lesquels semblaient avoir été choisis à dessein vaste et spacieux pour étendre la miséricorde à un plus grand nombre? Et dès lors, que ne rend-il grâce à Dieu, et que n'adore-t-il sincèrement son nom pour éviter le feu éternel, eux qui se sont faussement servis de ce nom sacré pour éviter une mort temporelle? Tout au contraire, parmi ceux que vous voyez aujourd'hui insultés avec tant d'insolence aux serviteurs du Christ, il en est plusieurs qui n'auraient jamais échappé au carnage, s'ils ne s'étaient déguisés en serviteurs du Christ. Et maintenant, dans leur superbe ingratitude et leur immense impie, ces cœurs pervers s'élèvent contre le nom de chrétien, au risque d'être ensevelis dans des ténèbres éternelles, après s'être fait de ce nom une protection frauduleuse pour conserver la jouissance de quelques jours passagers. Chapitre 2. Il est sans exemple dans les guerres antérieures que les vainqueurs aient épargné le vaincu par respect pour les dieux. On a écrit l'histoire d'un grand nombre de guerres qui se sont faites avant la fondation de Rome et depuis son origine et ses conquêtes. Eh bien, qu'on en trouve une seule où les ennemis, après la prise d'une ville, aient épargné ceux qui avaient cherché un refuge dans le temple de leur dieu. Note. Les bénédictins citent deux exemples qui atténuent, sans la contredire, la remarque de saint Augustin l'exemple d'Argésilas, après la victoire de Coronée, et celui d'Alexandre, qui, à la prise de Tyr, fit grâce à tous ceux qui s'étaient réfugiés dans le temple d'Hercule. Voyez Plutarque, vie d'Argésilas, et Arien, l'Anabase expédition d'Alexandre. Fin de la note. Qu'on cite un seul chef des barbares qui ait ordonné à ses soldats de ne frapper aucun homme réfugié dans tel ou tel lieu sacré. Aîné ne vit-il pas Priam traîner au pied des autels et, souillant de son sang les autels et les feux qu'il avait lui-même consacrés? Énéide, livre 2, vers 501-502. Est-ce que Diomède et Ulysse, après avoir massacré les gardiens de la citadelle, n'osèrent pas saisir l'effigie sacrée de Pallas, et de leurs mains ensanglantées profaner les bandelettes virginales de la déesse? Ce qu'ajoute Virgile n'est pas vrai. Dès ce moment disparut sans retour l'espérance des Grecs. Énéide, livre 2, vers 166 à 170. C'est depuis lors, en effet, qu'ils furent vainqueurs. C'est depuis lors qu'ils détruisirent Troie par le fer et par le feu. C'est depuis lors qu'ils égorgèrent Priam abrité près des autels. La perte de Minerve ne fut donc pas la cause de la chute de Troie. Minerve elle-même, pour périr, n'avait-elle rien perdu? Elle avait, dira-t-on, perdu ses gardes. Il est vrai, c'est après le massacre de ses gardes qu'elle fut enlevée par les Grecs. Preuve évidente que ce n'étaient pas les Troyens qui étaient protégés par la statue, mais la statue qui était protégée par les Troyens. Comment donc l'adorait-on pour qu'elle fût la sauvegarde de Troie et de ses enfants, elle qui n'a pas su défendre ses défenseurs? Chapitre 3. Les Romains s'imaginant que les dieux pénates qui n'avaient pu protéger Troie leur seraient d'efficaces protecteurs. Voilà les dieux à qui les Romains s'estimaient heureux d'avoir confié la protection de leur ville. Pitoyable renversement d'esprit. Ils s'emportent contre nous, quand nous parlons ainsi de leurs dieux, et ils s'emportent si peu contre leurs écrivains, qui pourtant en parlent d'eux-mêmes, qu'ils les font apprendre à prix d'argent et prodiguent les plus magnifiques honneurs aux maîtres que l'État salarie pour les enseigner. Ouvrez Virgile, qu'on fait lire aux petits-enfants comme un grand poète, le plus illustre et le plus excellent qui existe. Virgile, dont on fait couler l'hiver dans ses jeunes âmes, pour qu'elles n'en perdent jamais le souvenir. Suivant le précepte d'Horace, un vase garde longtemps l'odeur de la première liqueur qu'on y a versée. Épître livre 1er, 2, 69, 70. Lisez Virgile, et vous le verrez introduire Junon, l'ennemi des Troyens, qui pour animer contre eux Éole, roi des vents, s'écrie, une nation qui met odieuse navigue sur la mer tyrrhénienne, portant en Italie Troie et ses pénates vaincues. Énéide, livre 1er, 71-72. Des hommes sages devaient-ils mettre Rome sous la protection de ses pénates vaincues, pour l'empêcher d'être vaincu à son tour? On dira que Junon parle ainsi comme une femme en colère, qui ne sait trop ce qu'elle dit. Soit. Mes aînés, tant de fois appelés le pieux, ne s'exprime-t-il pas en ces termes? Pentus, fils d'Otrys, prêtre de Pallas et d'Apollon, tenant dans ses mains les vases sacrés et ses dieux vaincus, entraîne avec lui son petit-fils et court éperdu vers mon palais. Énéide, livre 2, 319 à 321. Ces dieux, qu'ils n'hésitent pas à appeler vaincus, ne paraissent-ils pas mis sous la protection d'aînés, bien plus qu'aînés sous la leur, lorsqu'Hector lui dit, « Troie que met à ta garde les objets de son culte et ses pénates. » Énéide, livre 2, vers 293. Si donc Virgile ne fait point difficulté, en parlant de pareils dieux, de les appeler vaincus et de les montrer protégés par un homme qui les sauve du mieux qu'il peut, n'y a-t-il pas de la démence à croire qu'on ait sagement fait de confier Rome à de tels défenseurs, et à s'imaginer qu'elle n'aurait pu être saccagée si elle ne les eût perdus? Que dis-je? Adorer des dieux vaincus comme des gardiens et des protecteurs, n'est-ce pas déclarer qu'on les tient, non pour des divinités bienfaisantes, mais pour des présages de malheur? Je lis Omina avec l'édition bénédictine, et non pas Numina ou Nomina, comme ont fait divers interprètes. N'est-il pas plus sage, en effet, de penser qu'ils auraient péri depuis longtemps, si Rome ne les eût conservés de tout son pouvoir, que de s'imaginer que Rome n'eût point été prise, s'ils n'eussent auparavant péri? Pensez-y un instant, et vous verrez combien il est ridicule de prétendre qu'on eût été invincible sous la garde du défenseur vaincu. La ruine des dieux, disent-ils, a fait celle de Rome. N'est-il pas plus croyable qu'il a suffi pour perdre Rome d'avoir adopté pour protecteur des dieux condamnés à périr? Qu'on ne vienne donc pas nous dire que les poètes ont parlé par fiction, quand ils ont fait paraître dans leur chant des dieux vaincus. Non, c'est la force de la vérité qui a arraché cet aveu à leur bonne foi. Au surplus, nous traiterons ce sujet ailleurs plus à propos et avec le soin et l'étendue convenable. Je reviens maintenant à ces hommes ingrats et blasphémateurs qui imputent au Christ les maux qu'ils souffrent en juste punition de leur perversité. Ils ne daignent pas se souvenir qu'on leur a fait grâce par respect pour le Christ, et que la langue dont ils se servent dans leur démence sacrilège pour insulter son nom, ils l'ont employé à faire un mensonge pour conserver leur vie. Ils savaient bien la retenir, cette langue, quand réfugiés dans nos lieux sacrés, ils devaient leur salut au nom de chrétiens. Et maintenant, échappés au fer de l'ennemi, ils lancent contre le Christ la haine et la malédiction. Chapitre 4. Le temple de Junon au sac de Troie, et les basiliques des apôtres pendant le sac de Rome. Troie elle-même, cette mère du peuple romain, ne put, comme je l'ai déjà dit, mettre à couvert dans les temples de ses dieux ses propres habitants contre le fer et le feu des Grecs, qui adoraient pourtant les mêmes dieux. Écoutez Virgile. Dans le temple de Junon, deux gardiens choisis, Phénix et le terrible Ulysse, veillaient à la garde du butin. On voyait entasser çà et là les trésors dérobés aux temples incendiés des Troyens et les tables des dieux et les cratères d'or et les riches vêtements. Alentour, debout, se presse une longue troupe d'enfants et de mères tremblantes. Énéide, livre 2, vers 761 à 767. Ce lieu consacré à une si grande déesse fut évidemment choisi pour servir aux Troyens, non d'asile, mais de prison. Comparez maintenant, je vous prie, ce temple qui n'était pas consacré à un petit dieu, au premier venu du peuple des dieux, mais à la reine des dieux, sœur et femme de Jupiter, comparez ce temple avec les basiliques de nos apôtres. Là, on portait les dépouilles des dieux dont on avait brûlé les temples, non pour les rendre aux vaincus, mais pour les partager entre les vainqueurs. Ici, tout ce qui a été reconnu, même en des lieux profanes, pour appartenir à ces asiles sacrés, y a été rapporté religieusement, avec honneur et avec respect. Là, on perdait sa liberté. Ici, on la conservait. Là, on s'assurait de ses prisonniers. Ici, il était défendu d'en faire. Là, on était traîné par des dominateurs insolents, décidés à vous rendre esclaves. Ici, on était conduit par des ennemis pleins d'humanité, décidés à vous laisser libre. En un mot, du côté de ces Grecs fameux par leur politesse, l'avarice et la superbe semblaient avoir choisi pour demeure le temple de Junon. Du côté des grossiers barbares, la miséricorde et l'humilité habitaient les basiliques du Christ. On dira peut-être que, dans la réalité, les Grecs épargnèrent les temples des dieux troyens, qui étaient aussi leurs dieux, et qu'ils n'eurent pas la cruauté de frapper ou de rendre captifs les malheureux vaincus qui se réfugiaient dans ces lieux sacrés. À ce compte, Virgile aurait fait un tableau de pure fantaisie, à la manière des poètes, mais point du tout, il a décrit le sac de Troie selon les véritables mœurs de l'Antiquité païenne. Chapitre 5. Sentiment de César touchant la coutume universelle de piller les temples dans les villes prises d'assaut. Au rapport de Salluste, qui a la réputation d'un historien véridique, César dépeignait ainsi le sort réservé aux villes prises de vive force, quand il donna son avis dans le Sénat sur le sort des complices de Catilina. On ravit les vierges et les jeunes garçons. On arrache les enfants des bras de leurs parents. Les mères de famille sont livrées aux outrages des vainqueurs. On pille les temples et les maisons. Partout le meurtre et l'incendie. Tout est plein d'armes, de cadavres, de sang et de cris plaintifs. Salluste, de la conjuration de Catilina, chapitre 51. Si César n'eût point parlé des temples, nous croirions que la coutume était d'épargner les demeures des dieux. Or, remarquez bien que les temples des Romains avaient à craindre ces profanations, non pas d'un peuple étranger, mais de Catilina et de ses complices, c'est-à-dire de citoyens romains et des sénateurs les plus illustres, mais on dira peut-être que c'était des hommes perdus et des parricides. Chapitre 6. Les Romains eux-mêmes, quand ils prenaient une ville d'assaut, n'avaient point coutume de faire grâce aux vaincus réfugiés dans les temples des dieux. Laissons donc de côté cette infinité de peuples qui se sont fait la guerre et n'ont jamais épargné les vaincus qui se sauvaient dans les temples de leurs dieux. Parlons des Romains, de ces Romains dont le plus magnifique éloge est renfermé dans le vers fameux du poète. Tu sais pardonner aux humbles et dompter les superbes. Considérons ce peuple à qui un auteur a rendu ce témoignage, qu'il ait même mieux pardonné une injure que d'en tirer vengeance. Salluste, chapitre 9. Quand ils ont pris et saccagé tant de grandes villes pour étendre leur domination, qu'on nous dise quel temple ils avaient coutume d'excepter pour servir d'asile aux vaincus. S'ils en avaient usé de la sorte, est-ce que leurs historiens en auraient fait mystère? Mais quelle apparence que des écrivains qui cherchaient avidement l'occasion de louer les Romains eussent passé sous silence des marques si éclatantes et à leurs yeux si admirables de respect envers leur dieu. Marcus Marcellus, l'honneur du nom romain, qui prit la célèbre ville de Syracuse, la pleura, dit-on, avant de la saccager, et répandit des larmes pour elle avant que de répandre le sang de ses habitants. Voyez Tite Live, livre 25, chapitre 24. Il fit plus, persuadé que les lois de la pudeur doivent être respectées même à l'égard d'un ennemi, il donna l'ordre avant l'assaut de ne violer aucune personne libre. La ville néanmoins fut saccagée avec toutes les horreurs de la guerre, et l'on ne lit nulle part qu'un capitaine si chaste et si clément ait commandé que ceux qui se réfugieraient dans tel ou tel temps plus la vie sauve. Et certes, si un pareil commandement eût été donné, les historiens ne l'auraient point passé sous silence, eux qui n'ont oublié ni les larmes de Marcellus, ni ses ordres pour protéger la chasteté. Fabius le vainqueur de Tarente, est loué pour s'être abstenu de toucher aux images des dieux. Un de ses secrétaires lui ayant demandé ce qu'il fallait faire d'un grand nombre de statues tombées sous la main des vainqueurs, il fit une réponse dont la modération est relevée de fine ironie. « Comment sont-elles ? » demanda-t-il. Et sur la réponse qu'on lui fit, « qu'elles étaient fort grandes et même armées ?»« Laissons, » dit-il, aux Tarentins leurs dieux irrités. Puis donc que les historiens romains n'ont pas manqué de nous dire les larmes de celui-ci et le rire de celui-là, la chaste compassion du premier et la modération spirituelle du second, comment aurait-il gardé le silence ? Si quelques généraux avaient ordonné de tel ou tel de leurs dieux que l'on ne fît dans son temple ni victime ni prisonnier? Sur Fabius, Maximus Verrucosus, voyez Tite Live, livre 27, chapitre 16, et Plutarque, vie de Fabius chapitre 23.